Voici votre butin régional. Troisième et dernière clinique IMPO, offerte gratuitement par le Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François à Cookshire le 19 mars de 9h à midi au Centre d'action bénévole 57 Craig Nord, au local du journal. À Scrustan, le même jour, de 9h à midi et de 13 à 16h, au bureau municipal 101 Victoria West, les citoyens sont invités à venir chercher les documents qu'ils y ont laissés le 12. Se tiendra le 19 mars une conférence sur la maladie d'Alzheimer et autres maladies neurodégénératives s'adressant aux proches aidants de personnes aînées à la salle de la FEAS de Cookshire, 220 Principal Est. La conférence, donnée par Nathalie Auger, de 18 à 19h30, sera précédée d'un repas boîte à lunch de 17 à 18h au coût de 7$. Pour y assister, on doit absolument réserver au 819-560-8540. La table de concertation des personnes aînées du Haut-Saint-François vous invite à un déjeuner-rencontre le 19 mars dès 8h30 au restaurant Le Coq du Bonheur, 245 rue principale, Weedon, secteur Saint-Gérard. Le thème de la rencontre est « En vieillissant, tout le monde veut votre bien, mais quel bien? Gérer, utiliser ou donner ses biens? » Le 20 mars, Irish Night au Bowery Community Center, organisé par le musée d'Eaton Corner. Rencontre Bambe Infuté, 12 à 24 mois, organisée par la relève du Haut-Saint-François et Naissance Renaissance Estrie, le 21 mars, 11 et 25 avril, de 19h30 à 11h30, au Centre culturel de Hastings. 20$ pour la série de 3 rencontres ou 10$ par rencontre. Informations et inscriptions au 819-416-1508 ou à larelèvehsf@hotmail.com.